Chapitre 5. Les électrosémaphores dans le Finistère. À Monsieur Léonce Baudin, capitaine de frégate. Ces caps, ces roches sous-marines, ces îlots à fleurs d'eau, si dangereux pour la navigation, en sont devenus, sur la plupart des points, grâce au génie de l'homme, les plus utiles auxiliaires. On a scellé dans les roches la chaîne des bouées flottantes ou les perches de fer indicatrices. L'écueil exaucé s'est trouvé désigné aux yeux. Le cap, l'îlot perdu en plein océan, porte les vigies et les phares. Vu le nombre et la bonne organisation de ces signaux, un officier supérieur de la marine m'assurait que, en prenant avec soin ces relèvements, il aimerait mieux entrer à Brest de nuit que de jour. Sur les pointes les plus avancées, ou bien celles d'où la vue peut s'étendre le plus loin au large, on voit encore deux mâts, l'un en bois, l'autre en fonte. Ce sont les électrosémaphores, ainsi nommés parce que le poste est pourvu d'un appareil de télégraphie électrique. On a établi 134 sémaphores sur le littoral de l'Empire. Le Finistère en compte 23 à lui seul, tant à cause de l'étendue de ses côtes que des dangers qu'elles présentent. Le premier mât est celui dont l'usage est le plus fréquent, le plus commode et presque continu. Muni d'une vergue et d'une corne, comme un mât d'artimon de navire, il est isolé et maintenu par des câbles et des chaînes. Au bout de la vergue se balancent de vastes cylindres en toile blanche, noire, etc., qui, suivant leur couleur, donnent le temps probable, d'après les dépêches de l'Observatoire de Paris. À l'extrémité du mât, on hisse des pavillons. La couleur, la coupe, la tenue, l'échancrure, l'ordre des couleurs varie les signaux à l'infini. Le second mât, qu'on appelle spécialement mât sémaphorique, est généralement attenant à l'habitation des guetteurs et émerge du toit. Dans sa partie extérieure, c'est une haute et épaisse tige, noire et blanche, à laquelle sont adaptées trois ailes blanches et un disque qui peuvent prendre les diverses dispositions qu'on veut leur donner. Le tout offre quelque analogie avec les télégraphes de l'ancien système. Le long de la partie intérieure du mât, celle qu'abrite le toit, quatre disques mobiles posés les uns au-dessus des autres portent le premier les unités, le second les dizaines, le troisième les mille et le quatrième les dizaines de mille. Ces numéros correspondent aux codes dont nous allons parler. Lorsque le guetteur a, par un mécanisme spécial, disposé les numéros qui forment le mot et la phrase, il met en mouvement un chariot circulaire qui dresse les ailes et le disque dans les positions voulues. Ce système de signaux est réservé pour les temps brumeux, dans lesquels on ne pourrait distinguer la forme ou la couleur des pavillons. Cette institution, de création toute récente, car elle ne fonctionne que depuis le 5 février 1866, n'a pas eu pour effet de créer une langue maritime. Cette langue existait de toute antiquité, mais variant avec la nationalité et la provenance des navires. L'administration a voulu non seulement préciser et enrichir cette langue, mais la généraliser et la rendre une et internationale. Elle a marché de concert pour l'exécution de ce noble projet avec l'amirauté anglaise et le Board of Trade, et d'une collaboration de 18 mois, il est sorti un code ou dictionnaire de signaux à l'aide duquel on obtient 78 642 combinaisons. C'est de quoi suffire à toutes les nécessités de la navigation et du commerce, et même à quelque chose de plus. Avec un si nombreux vocabulaire, on doit pouvoir causer à distance pour le seul plaisir de causer. Ce code a trois parties, ou, si l'on aime mieux, il y a trois codes, l'un en français et en anglais, consacré spécialement au commerce, l'autre à la marine impériale, le troisième est un recueil de signaux secrets, particulier à la France et réservé pour les temps de guerre. Les navires peuvent donc communiquer plus facilement et plus complètement désormais, soit entre eux, soit avec la côte. Entre eux, ils ne font usage que du mât à pavillon, de même avec la côte. Mais de la terre, les signaux leur arrivent par les deux voies que nous avons indiquées. Du reste, la langue même qui a été organisée par ces trois codes est susceptible de simplification, et le navire le plus mal outillé sous le rapport sémaphorique peut encore se faire entendre. le jour un mouchoir, un chapeau de marin, un morceau de bois tenu horizontalement, même sans chapeau, bâton ni mouchoir, une série de gestes indiqués par le formulaire. La nuit, des lanternes de toutes couleurs, des lueurs qui s'éclipsent et reparaissent. Pendant les brumes, les coups de canon, de fusil ou de sifflet, les sons de cloches, de cornets ou de trompes, tels sont les moyens très divers qui peuvent exprimer et rendre sensibles les combinaisons du code. J'emprunte ces derniers détails à un article publié par M. Salandrouze de la Mornay, lieutenant de vaisseau dans le Moniteur du 26 mars 1866. On n'a pas voulu détruire les usages, mais plutôt les confirmer et les généraliser. Et pour que la théorie fût intelligemment appliquée, on en a confié la pratique à d'anciens marins qui doivent être au courant des signaux ordinaires et qui, en cas de nécessité, sauraient suppléer aux lacunes des codes et se prêter de bonne grâce à l'indigence d'outillage ou d'instruction des navires. Dans chaque poste, il y a deux hommes et, pour les appeler par leur nom administratif, deux guetteurs, anciens quartiers-maîtres d'ordinaire. Quelquefois pourtant, jeunes gens n'ayant point passé par la marine. Il faut des hommes encore jeunes, forts et agiles, capables de grimper à l'échelle de corde qui pend le long du mât, de réparer ses avaries, de porter des secours en cas de nécessité. La besogne est constante, de nuit comme de jour. Le devoir est de guetter. Le service, par conséquent, ne peut être interrompu. Il a donc été partagé entre deux personnes, recevant un traitement égal, bien qu'il y ait un chef guetteur et un subordonné. S'il pèse plus de responsabilités sur l'un que sur l'autre, c'est afin qu'il y ait une autorité qui décide et une volonté qui règne. Le traitement est de 800 francs par an, mais, en sus de leurs appointements fixes, les guetteurs prélèvent 30 centimes sur chaque dépêche télégraphique privée qu'ils expédient de leur poste. Dans quelques-uns, comme celui du Conquet, qui est voisin d'un établissement de bains assez fréquenté, les employés se sont, cette année, procuré par ce moyen une augmentation de 40 francs par mois dans la saison d'été. Tous les postes n'ont pas ces bonnes aubaines. J'ai expédié le 26 septembre, de la pointe du Raz, une dépêche qui n'était que la 23e de l'année, soit 6 francs 90 centimes de prime à partager entre les deux guetteurs. Ils sont généralement mariés. Les deux logements, réunis sous le même toit, ont chacun leur porte et sont disposés de manière à laisser à chaque ménage l'indépendance du chez-soi. L'habitation des guetteurs mariés se distingue des autres par la propreté, la bonne tenue et même la coquetterie relative qui y règne. Sur les pointes désertes où ils sont relégués, loin des centres de population quelquefois, comme à Ouessant ou à l'île Pinfrette, séparés pendant des mois entiers de la terre ferme par les gros temps, on conçoit de quelle utilité est pour eux la vie de famille et la petite société que composent les deux ménages. Elle s'augmente par endroits de celle des gardiens des phares placés dans les mêmes parages. En outre de leur habitation, dont le vrai et unique défaut est de présenter par les fenêtres et les portes un trop large accès et une trop fragile résistance au vent furieux qui souffle de l'ouest, l'administration de la marine leur a acheté et concédé quelques arts de terre, qu'ils sont libres d'ailleurs de cultiver ou de laisser en friche. Presque tous cultivent, malgré l'aridité du sol. La première opération consiste à abriter le terrain contre le vent de mer par des murs de 3 ou 4 pieds de haut, construits en pierre sèche. La mer fournit le goémon pour engraisser les terres sablonneuses ou abreuver de sel. Ils n'y croient jamais que des légumes peu délicats. Ça et là, quelques fleurs, des mauves à larges feuilles. Si modestes qu'elles soient, c'est toujours une ressource pour la ménagère trop éloignée des marchés ou qui, même dans les fermes voisines, ne trouve pas facilement de quoi s'approvisionner à bon compte. C'est de plus pour le guetteur un refuge contre l'ennui et une occupation pour ses loisirs. Tous les 3 mois, un capitaine de frégate, attaché au port de Brest, inspecte les postes du Finistère. Son bureau centralise les rapports des départements qui dépendent de la préfecture maritime et les fait parvenir, résumés et annotés, au vice-amiral préfet maritime qui les transmet au ministère à Paris. L'inspecteur du Finistère a 23 postes à visiter. les plus importants des côtes de Bretagne, 15 dans le nord et l'ouest, entre Morlaix et Douarnenez, et dont les principaux sont Roscoff, la pointe de l'Anilis, l'île d'Ouessan, le Conquet, le cap de la Chèvre et Romeur, 8 dans le Midi, la pointe du Raz, Audierne, Pinmar, Combrite à l'embouchure de l'Audet, Lesconil et, dans les environs de Concarneau, Becmail, la pointe de Trévignon et l'île Pinfrette. Dans mes excursions un peu vagabondes, j'ai pu visiter ces 8 dernières stations, mais elles sont loin d'avoir toutes le même intérêt. J'ai déjà parlé de la pointe du Raz et d'Audierne. Combrite n'a de mérite que la route qui y conduit, bordée de forêts de pins, Pinus maritima, et qui traverse les bois et le parc de M. de Kersin en face du charmant village de Bénodet. Les postes de Becmail et de Trévignon fournissent l'occasion d'une promenade en mer, que peut suivre une promenade à pied à travers des souvenirs druidiques. Près de Becmail, pointe du Moulin, on voit un menhir assez élevé, mais en revenant de Trévignon à Concarneau, par la route de Pont-Aven, on rencontre des blocs druidiques plus considérables et plus curieux. Ainsi, à Tréguinc, dans une grande plaine couverte de fougères ou d'ajoncs, un menhir de 10 mètres de hauteur est surmonté d'une croix, une pierre branlante et un champ tout hérissé de roches, lesquelles, avec un peu de foi, on peut prendre pour des dolmens. C'est même à cette mine de roches à fleurs de terre qu'ont été empruntés la plupart des matériaux employés pour la construction toute récente de l'église de Tréguinc, sous la direction et sur les plans de M. Bigot, architecte diocésain de Quimper. Plus loin, à droite et à gauche de la route, un nouveau dolmen, masse colossale qu'agite un enfant, un très beau cromlech d'où s'échappe le houx et le chêne comme une parure naturelle. D'autres dolmens posés sur des pierres d'énormes carrures et dont les parois intérieures forment voûte. La plaine, entre Pont-l'Abbé et Pinmar, présente aussi des menhirs qui se dressent en lames de couteau. Mais passons, je ne veux arrêter votre attention que sur Pinmar et l'île Pinfrette. Pinmar, tête ou pointe de cheval, a une forme toute différente de la pointe du Raz. Au lieu de falaises escarpées et tombant à pic, c'est une grande plaine qui vient expirer dans la mer au milieu des îlots et des roches. C'était naguère une pointe, un cap sans doute, mais l'océan l'a miné, ébranlé, détachant motte par motte et rocher par rocher, de même que le temps balayait l'immense ville qui se déployait sur ses côtes et dont 4 ou 5 églises encore subsistantes, dans cette solitude, laissent deviner l'importance et l'étendue. Le commerce et les pêcheries de morue de Pinmar furent ruinés par la découverte de Terre-Neuve. La ville elle-même fut saccagée, incendiée, démolie à la fin des guerres de la Ligue. Elle ne s'est pas relevée depuis. Les maisons qui restent, bâties en larges blocs de granit, trahissent l'antiquité de leur origine. La conformation des berges et quelques traces répandues çà et là indiquent un port et une jetée, mais c'est tout. Le travail de destruction se poursuit encore, tantôt progressivement, tantôt par des coups soudains. Dans les grandes marées, les roches et la terre roulent vers la mer, emportées par le flot. Le 4 décembre dernier, l'océan s'est élancé à 1 kilomètre dans les terres et le révolin des vagues couvrait les maisons du village. Dans les tempêtes, le phare, quoique établi sur d'énormes assises de granit, oscille de la base au faîte et les flots bondissent jusqu'aux fenêtres du poste. Il n'est pas douteux que cette dernière construction, établie par une singulière et inexplicable imprudence sur la limite même du flot, sera, à la première tempête peut-être, arrachée du sol et roulera au milieu des roches. Cette grande vallée est triste. L'aspect actuel répond aux souvenirs qu'il évoque. Il semble qu'on foule aux pieds des ruines invisibles. L'état de Goémon, qui ne sentent bon nulle part, répandent ici des exhalaisons infectes. On s'arrête à peine sur cette pointe et l'on s'en éloigne en hâte avec d'horribles nausées. L'île Pinfrette, qui fait partie d'un petit archipel de rochers désigné plus tôt que connu sous le nom d'île de Glénan, est située en vue de Concarneau à environ 5 lieues en mer. Partis à 5 heures du matin de Concarneau, avec vent arrière, le bateau pêcheur nous débarquait à 7 heures dans une petite anse. La brume s'était dissipée. Le soleil éclairait un îlot d'une demi-lieue de tour au plus, élevé sur des roches assez hautes à ses extrémités, déprimé au milieu, et qui, dans sa forme longue et ovale et ses baies entrantes sur chacun de ses flancs, offre assez bien l'image d'une courge. Le phare regarde Concarneau. Dans un coin de l'enclos, à demi abrité, s'élève une mauve, plus loin un figuier chétif. Ce sont les deux seuls arbres de l'île. Le sol est recouvert d'un gazon ras et glissant comme des mousses. À droite, on aperçoit quelques maisons. C'est la ferme avec des toits en chaume. Le gazon n'apparaît plus qu'en touffe rare au milieu d'une vallée de sable. C'est là qu'aboutit le fil télégraphique et qu'il se convertit en câble sous-marin pour sortir de terre après 2 ou 3 lieues de traversée, à la pointe de Trévignon, près du poste. Le sol remonte, s'affermit, la verdure reparaît. On rencontre même quelques fleurs, de petites pâquerettes toutes jaunes, des plantes d'un gris pâle portant une large corolle jaune, des chardons dont la fleur d'un bleu doux est presque effacée se cache sous une admirable parure de feuilles. 2 ou 3 vaches paissent le goémon entre les rochers. J'avoue que je n'en croyais pas mes yeux, mais elles n'en produisent pas moins un lait excellent. Nous voici à l'autre extrémité de l'île sur laquelle s'élèvent les mâts sémaphoriques. L'île compte 20 ou 25 habitants au plus, parmi lesquels il faut comprendre 12 ou 15 enfants en bas âge. Elle communique avec Concarneau par un service régulier 3 fois par mois, les 10, 20 et 30 du mois, lorsque le temps le permet. L'un des gardiens du phare, fils d'un père gardien de phare aussi, habite l'île Pinfrette depuis 28 ans. Sa femme, qui est restée 25 ans avec lui, qui lui a donné 14 enfants dont il reste 10, est morte il y a 3 mois du choléra à Concarneau, où elle était allée faire ses couches. Il vit de ses appointements, qui sont fort modestes, et de sa pêche, qui est tantôt bonne, tantôt mauvaise. Tout en causant avec nous, et les larmes aux yeux, le pauvre homme, il nous montrait avec un peu d'orgueil une quantité de viel qui séchait dans son grenier et qu'il réservait pour l'hiver, quand la pêche ne serait pas possible. Presque tout le monde parle français dans l'île. Le bas breton y est très peu en usage. Pinfrette est, je crois, la plus grande des îles de Glénan et la seule habitée. Une autre de ces îles est armée d'un fort. Une autre, de 200 mètres de circonférence, sert de vasque à un petit étang d'eau douce fréquenté par les canards sauvages. Presque toutes, si arides, si rocheuses, si étroites qu'elles soient, nourrissent des moutons qu'on y débarque, qui y croissent et s'y abritent comme ils peuvent, et qui n'en donnent pas moins une viande de choix. Ces amas de rochers qu'a soulevés à la surface quelques mouvements volcaniques et autour desquels règne comme un plateau de granit qu'on distingue à 4 ou 5 mètres de profondeur, au travers d'une eau aussi verte et plus limpide que l'émeraude, ont été naguère achetés 600 francs. Il y a quelques années, M. Balestrier, de Concarneau, les a payés 36 000 francs. L'industrie songe même, dit-on, à s'emparer de l'une de ces îles pour y construire une frégasse. C'est le nom à Concarneau des établissements où l'on manipule la sardine. Voilà comment les rochers de Glénan entreront peu à peu dans la civilisation et de blocs isolés et presque sans nom au milieu des flots deviendront peut-être de petits centres industriels. On arrivera ainsi à les connaître, à les citer, tandis que pour la plupart de vos lecteurs, leur nom est sans doute aussi nouveau qu'il l'était pour moi-même avant que l'occasion me les eût fait visiter. Vous connaissez à peu près maintenant l'organisation du matériel et du personnel dans les électro-sémaphores. Nous avons visité quelques-unes des principales stations du Finistère, les plus dangereuses ou les plus isolées. Que de services ne rendent-elles pas? Qu'un navire s'échoue ou qu'il soit en voie de perdition, il fait le signal. Le poste le reçoit, le transmet au port le plus voisin. Le vaisseau stationnaire, si c'est un port militaire, le premier navire disponible, si c'est un port de commerce, chauffe, arrive et apporte du secours. Un navire ignore sa route ou l'a perdue. Le sémaphore la lui indique ou lui fait expédier un pilote. Un capitaine au long cours a quitté le port. Il a des communications importantes à transmettre à l'armateur ou à recevoir de lui. Ou bien il rentre, il est en vue, mais il n'abordera que dans un jour, deux jours. Peut-être les vents le retiendront-ils au large. Il aperçoit, comme une sentinelle perdue, le mât sémaphorique juché sur une pointe de cap et, par cet intermédiaire, il signale à l'armateur ou à la chambre de commerce la nature, la valeur, les qualités de son chargement qui, à l'arrivée, sera peut-être déjà vendu. Pour ces services quotidiens où l'humanité n'est pas moins intéressée que le commerce, il y a quelques hommes qui, en échange d'un modique salaire, se condamnent à l'isolement sur quelques plages désertes et stériles. Ils sont, eux, loin du monde, de leurs relations, de leur famille. Leurs enfants restent loin de l'école, loin de l'église. Ils n'ont d'autre distraction que la culture d'un champ ingrat, tandis que la mer et les vents accompagnent d'un mugissement continu tous les instants de leur vie. Voilà les anachorètes des jours nouveaux. Du moins, y a-t-il lieu de penser que, sur cette terre catholique de Bretagne, ces hommes séparés du monde ne sont pas délaissés par leurs pasteurs ou ne les délaissent pas d'eux-mêmes, qu'ils n'ont pas rompu la communion de la prière et que Dieu reste aussi vivant dans leurs âmes par les grandioses spectacles qu'il leur présente que par les enseignements de la foi.